بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Fait le dars al-sabiq, dans le cours précédent, on a pu voir les conditions, et kazalik al-mawani', les choses qui empêchent que les du'as soient acceptées. Et comme on a pu voir, c'est une chose qui était labud d'amin, qu'on se devait de connaître avant de pénétrer dans le vif du sujet, dans la citadelle. Wa fil haqiqa, celui qui réunit ses shurut, al-ikhlas, al-mutaba'a, al-raghba, الرهبة الخضوع والخشوع تضرع اليقين في الدعاء et il s'écarte de l'i'tida, des choses qui est comptée comme transgression, c'est-à-dire l'inverse de ces shurut-là, et d'autres كذلك parmi les i'tida'at qu'on a pu évoquer, les transgressions dans les du'a. Cette personne-là, elle a ramené la du'a qui s'appelle عند السلف النخلة. نخلة, ça veut du verbe نخلة qui est tamissé. C'est la du'a qui est tamissée, c'est-à-dire celle qui est née à laquelle on a épuré toutes les choses qui vont empêcher qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte et qu'elles vont monter vers les cieux. C'est le fait de regrouper ash-shurut, de réunir les conditions et de s'écarter des choses, des transgressions, des choses qui empêcheront que nos du'a et nos invocations soient rejetées. النخلة من الدعاء فكان بعض تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه ils s'étaient évoqués, ou plutôt une personne était venue auprès de l'un des élèves de ابن مسعود رضي الله عنه فقال له ألم ترى ما أكثر دعاء الناس وما أقل إجابتهم. Il lui a dit, cette personne là ne vois-tu pas comme les gens multiplient les دعاء, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui demandent, ils implorent énormément, mais ils sont très peu exaucés. فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ تِلْمِيذ رَبِيعَ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى لَا يَقْبَلْ إِلَّا النَّاخِلَ مِنَ الدُّعَى. Pourquoi leurs du'a ne sont pas acceptés? Parce que Allah n'accepte que la du'a كَالنَّاخِلَ, et celle qui est amissée, celle qui est épurée, celle dans laquelle on ne trouve pas des al-mawani', de l'i'tida', de la transgression. فقال إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. Et ensuite un des élèves كذلك ابن مسعود qui était aux côtés d'Arabi, lorsqu'il a entendu dire cette parole-là, فقال وقد قال بذلك ابن مسعود. Et la parole que tu viens de dire, ابن مسعود l'a dit. رضي الله عنه. فقال لا يسمع الله من مسمع. لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع du'a'an yathbutu min qalbih. Ibn Mas'ud a dit, Allah Azza wa Jal n'écoute pas, c'est-à-dire n'accepte pas, rejette la du'a d'une personne qui fait de l'ostentation dans ses du'a. Musmi'in, musammi'in, c'est-à-dire il fait afin que on entende ce qu'ils disent, et on dit, mashallah, il recherche à travers cela le maître, le complément de ces personnes-là. Wala mura'in, c'est-à-dire la même chose, il le fait pour que les gens le voient. Musmi'in, c'est-à-dire celui qui fait pour qu'on entend. Mura'in, il fait pour qu'on le voie. Kila huma, c'est la même chose, ça fait partie du shirk al-ashar, l'ostentation. Qala wala la'ibin. Il dit d'une personne qui est distraite, comme on a pu voir. La Bouddha mena atadarra. Qala illa da'in du'a'an yasbutu min qalbi. Allah n'accepte la du'a, ou n'accepte que la du'a de celui dont la du'a est liée à son cœur. C'est-à-dire que cette personne-là est. Il y a un effet khushu', humilité, il est concentré, comme on a pu voir à travers les shurut, min khushu', wa tadarra, ila akhiri, wa kazalika al-yaqin, wudu'u Allah, wa antum muqinun bil-ijaba, implorez Allah, tout en étant convaincu qu'Allah Azza wa Jal va vous exaucer. Fahada huwa al-nakhila. Donc ce qu'on a pu voir, ça va nous permettre, inshallah, que notre du'a soit qualifié, comme le disaient les salaf, comme al-nakhila. Le fait de réunir ces conditions et de les tamisser de l'i'tida, de transgression, dans la du'a. فالآن ندخل إن شاء الله في الكتاب. قبل ذلك on va prendre, on va évoquer المصنف, l'auteur de ce livre, جزاه الله خيرا, qui est le Cheikh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Ahmad al-Iryani, qui fait partie des tullabs de Cheikh Muqbal alayhi rahmatullah. Il a profité de Cheikh Muqbal en son époque et kazalika de Cheikh Yahya hafizahullah ta'ala. Il est compté parmi les grands du'at, les grands mashayikh au Yémen. Il a une da'wa, je pense qu'il est en Indonésie, hafizahullah ta'ala. Et il a de nombreux ouvrages qui sont très très profitables. Parmi ceux-là, Hisnul Mu'min. Et l'un des ouvrages qui m'a plu le plus, c'est son kitab qu'il a écrit dans Wudu. Sifat Wudu in Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fait cinq kitabs, c'est un marjah, c'est une référence. Allah Azzawajal lui a donné tawfiq dans ce kitab-là. Si Allah Azzawajal le veut et le facilite, on va propager, inshallah, les audios. J'ai pu commencer un cours dans cela. Et c'est vraiment un kitab qui est nafi'. Fait, il a des ouvrages nafi' dans Al-Mustalah, dans la science du hadith. Kazarik a des petits livrets qui sont relatifs à Al-Janaza, qui sont relatifs à certains critères et qualificatifs du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui donne de son temps pour la da'wa ila Allah azza wa jal. Hafizahullahu ta'ala. Nasa Allah azza wa jal yujazihi khairan bima qaddama min al-khair. Demande Allah azza wa jal qu'il le récompense en bien pour les efforts et les ouvrages qu'il a écrit pour la Umma al-Islamiyya. On va lire, inshallah, la préface et on va s'appuyer sur la traduction de notre frère Abu Mu'adh Ayyub al-Faransi, hafizahullah ta'ala. قال رحمه الله تعالى قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ça c'est l'habitude, même si là dans cet ouvrage c'est pas écrit al-basmala, lakin c'est l'habitude des écrivains lorsqu'ils écrivent, ils commencent par la basmala. Dans ma tabaha c'est pas écrit, lakin ça c'est sûr qu'il a mis la basmala. Ça nous permet de prendre l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'arriver au but et à l'objectif, il y a un conseil donné. Comme c'est le cas ici de donner des doros, ou comme c'est le cas pour lui lorsqu'il a écrit ce livre-là. Enfin, la basmala, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Al-insan, lorsqu'il commence une chose, il commence bidhikrallahi azza wa jalla, en évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que Allah lui donne la réussite. Fahada la buddhamin. Al-basmala, al-bas, c'est al-istihana. Il demande l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en a besoin. Ne serait-ce que même pour lever le petit doigt. Ne serait-ce que même, Yannick, si jamais tu veux cligner l'œil. Ne serait-ce que même si jamais tu veux te gratter la tête. Tu as besoin de l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Personne ne peut faire une chose, excepté si Allah, subhanahu wa ta'ala, le veut. Donc l'insan, il faut qu'il soit lié à Allah, subhanahu wa ta'ala. يستعين بالله. Et celui qui comprend cela, il va comprendre le sir, le secret, comme le disent les ulama. Dans sourate al-Fatiha, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué après Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in. Comme a dit l'ulama, il y a beaucoup d'ibadat. Iyaka na'budu, ça c'est d'un point de vue général. Ensuite, il a évoqué une ibada d'un point de vue particulier. Certains ont dit, ça aurait été possible de dire kazalika wa Iyaka nusalli, wa Iyaka nuzakki, wa Iyaka nahuj, wa Iyaka nasum. Pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il choisi l'ibada qui est l'istihana هنا et pas une autre ibada? Certains des ulama ont dit parce que toute ibada est basée sur quoi? Sur l'istihana. L'insan ne peut pas faire le hajj, il ne peut pas faire salat, il ne peut pas faire siyam. Il ne peut rien faire excepté si jamais Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et le veut. Si Allah Azza wa Jal lui donne l'aide, enfin, l'insan est obligé de prendre l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'al-istihana a été évoqué. Parce que tu n'as pas la possibilité de mettre en application Iyaka na'budu qu'avec Iyaka nasta'in. Qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam, rahimahullah, comme le rapporte son tilmid Ibn Qayyim, rahimahullah, il a évoqué qu'il a recherché dans le Coran quelle était la plus grande des du'as. Et il a dit, je l'ai trouvé. C'était le fait de demander l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est évoquée dans la sourate al-Fatiha. Enfin, l'istihana, c'est une chose qui est importante. C'est une chose qui est importante lorsqu'on débute quelque chose. Nasta'in billah. Subhanahu wa ta'ala. Parce que l'insan, il n'y a qu'Allah qui est parfait. Donc il prend l'aide auprès d'Allah afin qu'il lui donne le tawfiq. Sans l'aide d'Allah, il va faire des erreurs, il va se tromper. Fa'istihana billah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'habitude des Moussanif, comme l'a évoqué l'imam Ibn al-Hafid Ibn Hajar, que les écrivains dans l'islam ont pour habitude de prendre cette coutume-là qui est de commencer leur ouvrage par la basmala. Du fait qu'il y a des grands vertus à travers cela et l'istirana. Et Allah Azza wa Jalla a commencé son kitab par la basmala. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika, lorsqu'il écrivait, il commençait par la basmala, c'est une sunna. Allah Azza wa Jalla a évoqué kadhalika fi Sulayman. Annahu kataba ila tilka al-malika bilqis, il a dit bismillah. Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. C'est important de commencer par la basmala, par le nom d'Allah Azza wa Jalla. Bismillahir rahmanir rahim. Faqala, louange à Allah, nombreuses bonnes et bénies, et je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans associer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son messager et son serviteur. Qala falamma kana al-dhikr huwa al-hisn al-hasin min ash-shaytan ar-rajim. Et du fait que le rappel est la forteresse imprenable contre le diable lapidé, comme il va l'évoquer hafidhahullah ta'ala, un hadith qui nous montre bien cela. Que celui qui évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité et kazalika avec obéissance au préalable, c'est un rempart entre lui et Shaitan, c'est une forteresse, c'est une citadelle. Shaitan ne peut rien faire contre lui. Comment il va l'évoquer, rahimahullah ta'ala, plutôt hafidhahullah. Qala wa a'la darajat as-salikin ila rabbil alamin. Il dit c'est le plus haut degré de ceux qui avancent vers le Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jalla. Comme on va le voir à travers les ayats, wala dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah est le plus grand. C'est le plus haut degré avec lequel on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qut al-muttaqin. Et c'est la nourriture des pieux. Le pieux, il a besoin de dhikr. Sa vie entière, c'est le dhikr. On se lève, bidhikrillah. On se couche, bidhikrillah. On mange, bidhikrillah. Lorsqu'on est rassasié, bidhikrillah. Kullu shay bidhikrillah. Hayatuna kullaha bidhikrillah. C'est notre nourriture. On a besoin du dhikr. Sans dhikr, le cœur, il meurt. Un cœur qui n'a pas de dhikr, c'est un cœur qui est mort, comme il est évoqué dans le hadith. Celui qui évoque Allah, mais celui qui n'évoque pas est semblable au cœur qui vit et au cœur qui est mort. Au cœur qui vit et au cœur qui est mort. Enfin, c'est le qut as-salihin. C'est par ce biais-là qu'on nourrit nos cœurs. Qala wa hayatu ibadillahi al-mu'minin wa unsu mujadis as-salihin. Et c'est la vie des serviteurs d'Allah Azza wa Jal et des croyants. Et l'intimité des assises des pieux. Qala rahimahullah, qala jama'tu hadha al-mukhtasar fima sahha wa tayassara min dhikr nabiyyina al-karim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il dit hafidhahullah ta'ala, j'ai compilé dans ce livré ce que j'ai pu trouver comme authentique parmi les hadiths relatifs à la sunna du prophète alayhi sallallahu sallam. Qala wa qad kutiba fi 'amali al-yawm wa layla wa ad-da'awat wa al-athkar kutubun kathira ma'lumatun 'inda al-'arifin. Et il nous dit que de nombreux ouvrages ont été écrits dans ce sujet-là qui est relatif au dhikr. Qala wa qasadtu fi hadha al-mukhtasar al-mufid tashil dhalika 'ala ar-raghibin. Et il dit là, voulu à travers cet ouvrage-là, par ce résumé-là, faciliter tout cela à ceux qui le désirent, toute personne qui désire évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faqtasartu ala bayani matn al-dhikr wa ithar al-ikhtisar. Et il a dit, j'ai cité uniquement le texte du rappel par souci de concision et du fait que ce qui est recherché est la connaissance des invocations. Yani, il n'a pas évoqué les chaînes de transmission pour faciliter. Donc ce sont parce que dans certains livres, les chaînes de transmission sont évoquées. Lakin Harouna, il a retiré les chaînes de transmission, il a retiré même le nom du sahabi, lakin dans la hashia, en dessous de page, il évoque le nom du sahabi et tout ça, où est-ce qu'on peut trouver le hadith. Donc là, il a pris juste yani, le texte, le matn, comme on dit. Il a pris que le matn, sans évoquer le sahabi, ni la chaîne de transmission, ni qui l'a rapporté. قال لكونه موضعا للمتعبدين. C'est pour il a visé pour cela, yani ceux qui recherchent à travers cela l'adoration et non pas la recherche dans le hadith, yani c'est pas le but. قال لان المقصود به معرفه الاذكار والعمل بها وايضاح مظنها للمسترشدين. C'est un peu la même chose, yani pour les personnes qui recherchent Allah ya Azzawajal, par l'Azkar, il n'a pas voulu par cela yani, faire une recherche relative aux chaînes de transmission. Ce n'est pas le but. قال وقد تبعت الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه لفظا وترتيبا جملة لكتابه الأذكار. Il a dit, il a pris comme exemple dans ce résumé là, il a pris comme référence dans ce résumé là afin d'évoquer les chapitres le livre de l'éminent imam النووي رحمه الله تعالى qui est un kitab عظيم جدا qui est un peu long dans lequel il a évoqué les أذكار. Il l'a appelé kitab الأذكار. C'est un kitab qui a été pris en considération les ulama. On fait des investigations il y en a concernant les chaînes de hadith, concernant l'explication des textes. Beaucoup de ulama l'ont expliqué par le biais des audios. Faites un kitab qui est azim, c'est un peu une umda, c'est une référence dans ce bab-là. قال لقوتي سبكه والدقة فقهه ورسوخه في بابه. Il a pris ce livre-là comme exemple. Je me suis perdu. Non, parce que l'imam Nawawi, il a une forte expérience. Et du fait de sa bonne compréhension dans le din. Qala wa qala wadaftu itmaman lil faida bayn qawsin ba'd abwab shaykhana Muqbil rahimahullah ta'ala min kitabihi al jami' al sahih. Il dit, afin de complémenter la faida, il a dit, lorsque je mettrai entre crochets, lorsque le chapitre, le nom du chapitre sera entre crochets, c'est-à-dire que ce chapitre là n'a pas été tiré de Kitab al-Azkar de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, lakin je l'ai tiré de Kitab al-Jami' al-Sahih de Sheikh Mughbil rahimahullah ta'ala kadhalika, qui est un kitab qui est énorme, qui est rempli de fawaid, azim jiddan, al-Jami' al-Sahih fima laysa fi sahihayn, le recueil authentique des hadiths qui ne sont pas évoqués dans les deux recueils Bukhari et Muslim. C'est un kitab qui est azim jiddan. Qala fa jama'a hadha al-mukhtasar wa lillahi al-hamd ma tafarraqa min al-husn. Et il dit, ce livret réunit donc, yani, par l'ange d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'aide d'Allah azza wa jal, les bonnes choses qui se trouvent dans divers livres, tout en s'attachant à l'authenticité de l'ahadith. Donc ce livre-là, il se particularise par le fait qu'il est muhtasar, c'est un résumé. Il n'y a vraiment que le matn, tamam. Et le mu'allif, rahimahullah ta'ala, l'écrivain, le shaykh, il a fait en sorte d'évoquer les hadiths qui sont authentiques. Il y en a certains qui évoquent des kitabs dans l'Azkar, lakin, subhanallah, ils font pas attention par rapport à l'authenticité. Tout ce qu'ils trouvent, ils mettent dedans. Et ça, c'est dangereux, parce que le prophète, il a dit, alayhi sallatou salam, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il se prépare une place en enfer. Donc, l'insan, à moins qu'ils disent que le prophète a dit, alayhi sallatou salam, il faut qu'il soit sûr. Certains, ils font pas attention, ils regroupent, ils mettent les hadiths comme cela. Parce qu'ils voient un mérite dedans. Lakin, le mérite est dans le fait que le prophète l'a fait et l'a prononcé et qu'il l'a mis en pratique. C'est ça le véritable profit. C'est pas de trouver, de mettre ce qu'il y a dans tout ce qu'on trouve à droite et à gauche. Ça, c'est pas profitable, c'est pas une nasiha pour ceux qui viennent derrière toi. Il faut que l'insan, il a une shafaqa, il faut qu'il ait une miséricorde pour ceux qui viennent derrière eux. Il faut qu'il fasse l'effort lorsqu'il écrit de s'assurer que ces choses-là sont authentiques, afin que ce soit une guidée pour les autres. قال فجمع هذا المختصر وإلا الحمد ما تفرق من الحسن في غيره من المختصرات من تحري الصحة ودقة الأبواب وحسن الإيجاز فأسأل الله أن ينفع به وبصاحبه الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين. Ensuite, il a demandé à Allah عز وجل que cet ouvrage-là, ce livre-là, soit un profit pour lui. Et kadhalika pour les musulmans. Voilà, ça c'est min tamam al-ukhuwa fi Allah azza wa jalla. La foi de l'un d'entre vous ne sera complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui. Donc il a fait ça pour lui et kadhalika pour ses frères en islam et ses sœurs en islam. Voilà, c'est la muqaddima. Enfin, on rentre inshallah dans le kitab. Qala rahimahullah ta'ala fadlu al-dhikr. Le mérite du rappel. Wahahuna, c'est entre parenthèses. Donc ça nous montre que ça fait partie des choses qui sont. Il l'a tiré, il en a profité du livre Jami' al-Sahih de Sheikh Muqbil alayhi rahmatullah. Faqala fadlu al-dhikr, le mérite du rappel. Et la hadith, ou qabla dhalika les ayat, relatif au rappel, au fadl, au mérite du rappel, ils sont énormes. On peut même écrire un livre, faqat yani, mustaqil sur cela. Tellement ils sont nombreux, ils sont énormes. ils sont nombreux, ils sont énormes. Et le fait de connaître les mérites religieux, c'est un précepte n'am qui est d'une énorme importance en religion. Connaître al-fada'il, les mérites, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a octroyé à cette communauté-là, à ceux qui appliquent ces recommandations, c'est une chose qui est très importante. Allah Azza wa Jal nous ordonne dans le Coran d'observer ce précepte-là. Le fait de se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et à travers cela les mérites qu'il y a dans les œuvres. Les œuvres méritoires. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de se rappeler des bienfaits. Et ça passe par le fait de connaître ces choses-là. De connaître les œuvres méritoires. Qala subhanahu wa ta'ala waskuru ni'matallahi 'alaykum. Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Qu'ils soient mondains et surtout ceux qui sont religieux. Et surtout ceux qui sont religieux. Al-insan, le fait qu'il se rappelle des bienfaits, c'est une ibadah qui est azim, Allah l'aime. Le fait de connaître les œuvres méritoires, de s'en rappeler, de se documenter, de les lire, de les partager, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Il a dit, waskuru, et le fait qu'il leur donne une chose, ça implique que Allah Azza wa Jalla il aime et il agrée. Donc c'est une ibadah qui est énorme. Bon, on se doit de se réjouir. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit, par le mérite d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa misère et par ses bienfaits, yani dit l'heure de se réjouir des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et كَذَلِكَ de ses mérites. On se doit de se réjouir. Évoquer les œuvres méritoires afin de se réjouir comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'exhorte. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'exhorte. Évoquer les œuvres méritoires, c'est reconnaître la grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de le glorifier pour sa générosité. Karamatullah subhanahu wa ta'ala et kadhalika de sa bonté. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le voulait, il nous aurait imposé des œuvres dans l'islam, toutes les œuvres sans même nous évoquer les fada'il, les mérites. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas été injuste. لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وبفضله وبإحسانه par sa faveur سبحانه وتعالى et du fait qu'il connaisse mieux que quiconque connaisse ses créatures, il a légiféré les œuvres et il nous a informé de leur mérite. Pourquoi? Afin que nos désirs se décuplent, qu'on ait plus de rahba lorsqu'on œuvre, parce qu'on sait que derrière cela il y a une récompense. Enfin, on s'accroche. Et kadhalika, afin que notre amour envers Allah Azza wa Jal, mahabbatuna lillah, elle augmente. Plus Allah te donne, et plus tu vois les bienfaits d'Allah, et plus ton amour, tijah Allah, yani vis-à-vis d'Allah, il va augmenter. Le fait de se connaître ces œuvres-là, ces œuvres méritoires, les fada'il, les mérites qu'il y a dans l'ibadat, c'est important, jiddan. Ça te rajoute en foi. Tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit, yuridullahu bikum al-yusra. Il veut pour nous la facilité, c'est pour ça qu'il légifère ces œuvres-là et il évoque le mérite afin que on se cramponne à l'once d'Allah subhanahu wa ta'ala de toutes nos forces et qu'on ne lâche pas. Car ces mérites, ils sont grands, on ne veut pas les perdre. Ma'rifatul fada'il, connaître les bienfaits, les œuvres méritoires, c'est une arme pour le mu'min, c'est l'ahou. Yani huwa sif qati', c'est une épée tranchante par laquelle le mu'min il découpe toutes les fausses espérances de Shaytan. Al-Shaytan, c'est un adou. Comme a dit Jalla wa Ala. Inna Shaytan lakum adouun, fattakhidhuhu adouwa. Le Shaytan, c'est un adou. Il a plusieurs stratégies afin de t'égarer. Kadhalika, nahnu, kadhalika. On a plusieurs armes pour le détruire. Et pour détruire ses fausses espérances et ses fausses promesses. Comme a dit Jalla wa Ala. Ya'iduhum wa yamannihim. Il leur promet et leur fait des fausses promesses. Al-insan, s'il connaît les œuvres méritoires, il connaît le fada'il, il connaît la grande récompense qu'il y a à travers cela. Il va comparer entre les fausses espérances de Shaitan et ce qu'Allah Azza wa Jalla lui promet, il va laisser. Il ne va pas se faire avoir, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, c'est un thabat pour lui. Afin que Shaitan ne le fasse pas glisser. C'est une arme avec laquelle on combat les amani de Shaitan, les fausses espérances qui l'insufflent aux ibad. Les œuvres méritoires, al-fada'il, c'est une bonne annonce. Tansharih al-sadr. T'es apaisé. T'es content. Comme a dit Jalla wa Ala. Qul bi fadlillah. T'es content. Hayatuka yani se tranquillise. Et ça te met dans le cœur une suffisance. Vis-à-vis des bienfaits de la vie d'ici-bas. Comme on a dit, tu compares et tu sais que la vie d'ici-bas, elle est zahiba, elle est éphémère. Et que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est da'ib, elle est éternelle. Enfin, ça te permet aussi, qu'à de ne pas glisser dans la vie d'ici-bas et de. Il sait, yani, c'est fada illa, donc il ne va pas les délaisser. Il a une suffisance, une qana'a fil qalb. Il se suffit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il est rassasié, il n'a pas besoin de ces choses-là. Ça ne le perturbe pas, inshallah tabarak wa ta'ala, parce qu'il connaît que le mérite religieux, il est beaucoup plus grand que ses bienfaits de la vie d'ici-bas. Al-fada'il, kazarik, parmi ses fawa'id, elle lui permet de connaître, et ça c'est pour celui qui met en application, celui qui connaît le fada'il, quand on parle de ça, et celui qui le met en application. Ça lui permet de connaître son véritable statut. Et de ne pas se rabaisser ou se sentir en dessous ou mépriser des gens de la dunya. Même si jamais il est pauvre, il n'a rien. Ses habits sont déchirés. Lakin, c'est quelqu'un qui est mouazib, qui est assidu dans le rappel d'Allah, dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître les mérites de ce qu'il est en train de faire, ça lui permet de connaître son véritable statut auprès d'Allah et de connaître le véritable statut des gens de la vie d'ici-bas. Il ne va pas se rabaisser, même si jamais aux yeux de ces personnes-là, il est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de rang dans cette société-là. Lakin, lui, il sait qu'auprès d'Allah, il est grand. Et ça lui permet de... Il marche, il est dans la vie d'ici-bas comme si c'était un roi. Il connaît son statut, il connaît sa valeur. Il sait que les richesses de la vie d'ici-bas ne sont rien du tout. Et les gens sont dans une illusion. Enfin, ça, c'est muhim jiddan. Allah Azza wa Jalla yaqul innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah laftadaw bihi min adhab yawm al qiyamah ma tuqbila minhum. Fa hawla yani ahl al dunya yawm al qiyamah, ce qui vient avec un cœur qui est dépourvu de iman et qui avait tous les bienfaits de la vie d'ici-bas, fa yawm al qiyamah, on va lui dire. S'il avait la possibilité de réunir la dunya, et quand on parle de la dunya, c'est-à-dire du premier jour jusqu'au dernier jour, réunir toute la dunya, tout ce qu'il y a dedans, c'est pas ce qu'ont les gouverneurs et tout ce qu'il y a dedans, et qu'il y a en dessous de la terre, il réunit cette dunya-là, même le double de cette dunya-là, afin d'être épargné et affranchi du feu de l'enfer, et ben ça sera pas suffisant. Donc ça montre que la personne qui vient, mu'min billah azza wa jal, même si jamais il a d'énormes péchés parmi les kaba'ir, qu'il est pauvre, il a fi qalbihi at-tawhid, et ses membres, ils font la prière. Enfin, cette personne-là, il est plus riche que les gens de dunya. Dalil al-zalika, c'est que celui on lui demande de ramener deux fois la dunya, il ne rentrera pas au paradis. Tandis que celui-là, il n'a rien, mais la dunya, lakin, il a l'iman fi qalbi. Et kazalika, cette personne-là fait partie des gens de la prière, qui est le haqq de tawhid. Le droit du tawhid. Ça lui permet de connaître son statut, il ne se rabaisse pas aux yeux de ces personnes-là. Il est riche. Al-mu'min, il est riche. Allah Azza wa Jal lui donne des fada'il qui le rend riche et fier. Il est fier de sa religion-là, il ne se rabaisse pas. Ça passe par le fait de connaître ces bienfaits-là. Les œuvres méritoires. C'est muhim jiddan. Connaître les mérites, c'est s'armer de patience. Ayyuhal ikhwa. Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous l'ordonne. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن أسباب الفلاح, parmi les causes de la réussite, connaître ce genre de fada'il. Et toutes les fada'il qui sont relatifs à d'autres ibadat. Parce que ça te permet de t'armer de patience. De savoir dans le bienfait dans lequel tu es. Tasbir. Tasbir, inna wa'dallahi haqq. Tu sais que la promesse d'Allah, elle est vraie. Donc tu patientes. Comme Allah Azza wa Jalla te l'a ordonné. Fait ça, c'est muhim jiddan. Connaître le fada'il, c'est très très important. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala fadlu dhikr. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakirina Allah kathiran. Wa dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajaran azima. Ce est celle qui se rappelle. Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne souvent et énormément, kathiran, Allah Azza wa Jalla leur a réservé un pardon et une énorme récompense. Ça, c'est dans la traduction. La kinfil haqiqa, on va voir qu'est-ce que le pardon. C'est beaucoup plus grand que ça. Al-Maghfira plutôt. C'est beaucoup plus grand que ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un grand fadl. Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé une maghfira. Et ajr ki azim. Certains ont dit, al-ajr al-azim, c'est al-jannah. Al-lashak wa la-raïba fi. C'est l'un des plus grands bienfaits. Pourquoi je dis cela? Quelqu'un pourra dire, mais c'est le bienfait. Le plus grand des bienfaits, c'est le fait de regarder Allah Azza wa Jal, yawm al-qiyamah, pour Ahl al-Jannah, qui vont voir Allah. Ça, c'est le plus grand des bienfaits. Comme il est vu dans le hadith du muslim, que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il leur a donné le rétribut du gens aux gens du paradis, et Allah va leur dire, est-ce que vous voulez qu'on vous rajoute? Ils vont dire, comment? Yani, qu'est-ce que tu pourras nous rajouter au-dessus de cela? Ils vont voir qu'au-dessus de cela, il n'y a pas, on ne peut pas rajouter. Ils vont voir qu'ils sont dans une ni'ma azima. On peut pas rajouter. C'est la perfection absolue. Allah subhanahu wa ta'ala, il va découvrir le voile et ils vont le voir. Et le prophète, il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand bienfait qui leur a été donné. Et ensuite, il a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Pour ceux qui ont bien œuvré, al-husna qala al-ulama al-jannah. Wa ziyada est un ajout et un plus qui est quoi? Le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu subhanahu wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirat a'adda Allahu lahu maghfiratan wa ajran azima. Qala al-ulama, certains ont dit c'est le fait de voir de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la shak wa la riba fi. Et ça rend dedans tout ce qui est les récompenses d'Allah, parce que tout ce qu'Allah donne c'est azim, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-azim. Tout ce qui est donné est azim parce qu'Allah Azza wa Jal, il est azim. Ça rentre dedans la foi, ça rentre dedans tout, toute chose qui est un rétribut. Lakin, le top, le summum, c'est le fait de regarder Allah. Jalla wa ala. Wa dhakirina Allah kathiran. Ça nous montre que ce bienfait, il est donné aux personnes qui sont assidues et qui le font énormément. Kathiran. Qui le font kathiran. Que ce soit puis al-lisan, l'askar, l'ad'iya. Que ce soit Biltilawa, lorsqu'il est le Coran, Kazalika, ça fait partie du dhikr. Allah Azza wa Jal, il a nommé son kitab dhikr. Qala wa hadha dhikrun anzal, wa hadha dhikrun mubarakun anzalna. Et ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre. Le fait de lire le Coran, c'est un dhikr. As-salat, Kazalika, c'est un dhikr. Qala jalla wa ala, wa aqim as-salata li dhikri, li Isa. Et accomplis la prière afin de me mentionner, afin de te rappeler de moi. فالصلاه كذلك سرون dedans والذاكرين الله كثيرا والذاكرا سرون dedans celui qui fait l'azkar bil lisan سرون dedans celui qui lit le Coran سرون dedans celui qui fait la prière سرون dedans l'ibada toute ibada un dhikr dans toute ibada on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala سرون dedans جميع l'ibadat فالإنسان il faut que يزيد في ذلك il en fasse plus afin de rentrer tamam dedans dans la miséricorde d'Allah عز وجل dans le mérite qu'il a réservé à ces personnes-là. Et dans le hadith, la yazalu lisanuka radban min dhikrillah. Pour ça que le prophète il a dit, fais de sorte à ce que ta langue soit accrochée au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa kadhalika dhakar al-ulama dans l'explication de ce hadith là, le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha aqadha ar-rajul imra'atahu min al-layl fa sallaya rak'atayn kutiba tilka al-layla min adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat. Wa al-hadith alladhi fi sunan. Le prophète alayhi sallatu wassalam a dit, l'époux qui va réveiller son épouse la nuit et ensuite il prie les deux rak'atayn, et c'est pas forcément qu'il prie avec al-Baqara wa Ali Ibran, hatta si jamais il lit les plus courtes parmi les sourates. Allah subhanahu wa ta'ala, cette nuit-là va les compter parmi ceux qui ont évoqué Allah subhanahu wa ta'ala kathiran. Fanatawasa bidhalik. On s'enjoint les uns les autres, ceux qui sont mariés. Et ça, c'est même tamam al-mahabba. Tu t'imagines, tu lèves ton épouse et tu dis, Hayya, bismillah, lève-toi, fais le wudu, inshallah, on va faire deux rak'a afin qu'Allah azza wa jalla nous comptabilise parmi ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala kathiran. Ou l'axe, la femme qui va lever son mari va dire, Hayya, Zawji, lève-toi afin que Allah Azza wa Jal nous compte parmi al-dhakirin Allah kathiran. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite l'assiduité dans cette œuvre-là. Allez, wallah li qalila fil haqiqa lakin yasirun ala man yasarahu Allah. Et ça c'est min tamam al-mahabba fillah ya Azza wa Jal. Ça peut que rajouter de l'amour et des liens entre le mari et l'épouse. Allah Azza wa Jal va leur rajouter en bien. فها هنا قال أعد الله لهم مغفرة. المغفرة, il faut savoir que المغفرة c'est un sens qui est beaucoup plus large que le pardon. Comme c'est traduit dans certaines traductions, ils disent المغفرة, le pardon. في الحقيقة c'est beaucoup plus large que cela. المغفرة c'est beaucoup plus large que cela. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى dans مجموع الفتاوى, le volume 10, la page 317, il nous évoque une définition pour la المغفرة qui est concise. Il nous dit, rahimahullah, qala wiqayatu shar dhunub. La maghfira, c'est quoi? C'est le fait d'être préservé du mal des péchés. C'est ça la maghfira. Si on veut traduire la maghfira comme l'a dit Cheikh l'Islam, a'addallahu lahum maghfiratan, et Allah Azzawajal leur a réservé une chose par laquelle ils seront préservés du mal de leurs péchés. Hala huwa al-maghfira. Hala huwa al-maghfira. Dans la langue arabe, al-mighfar, c'est un nom qui est donné à un casque, mathalan. Dans la guerre, ils portent des casques, et ce qu'ils mettent sur la tête, on appelle ça mirfar, parce que ça le protège. C'est une protection. Al-Maghfira, c'est quoi? C'est une protection contre quoi? Contre le mal de nos péchés. Comme a dit Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Et qu'est-ce que le mauvais de nos péchés? Al-Imam At-Tabari, rahimahullah ta'ala, nous l'évoque. Dans son tafsir, il dit, rahimahullah ta'ala, قال وقد بينا فيما مضى et on a pu évoquer auparavant أن الغفران والمغفرة que le الغفران والمغفرة قال هو ستر الله الستر من الله على الذنوب من غفر له et dit c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les dévoile pas, ils sont sous la protection d'Allah et Allah azza wa jalla ne les dévoile pas. Ça fait partie du mal des péchés. Tu fais un péché, Allah subhanahu wa ta'ala s'il veut il te couvre, s'il veut il te dévoile aux yeux de tout le monde. C'est pour ça que parmi le châtiment des gens de l'enfer, ils seront dévoilés yawm al-qiyama. Wa yaqulu al-ashhadu ha'ula illadhina kadhabu 'ala rabbihim 'ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Devant tout le monde. Tu t'imagines si jamais quelqu'un il vole juste un carambar et on le réunit devant la terre entière, on lui dit celui-là vole un carambar, il va changer des couleurs, rouge, vert, orange, il va se sentir mal. Enfin, il y a un kayf bil alladhi qui viendra avec des sayyat et qui sera dévoilé devant as-salihin, devant l'anbiya, amam Allah. Kazalika dans la vie d'ici bas, il sera dévoilé devant peut-être les personnes, mais c'est un char pour lui. Enfin, si Allah lui veut un bien, il va lui faire une maghfira et en le couvrant, il ne va pas le dévoiler. Qala wa'afuhu an al-uquba alayhi. Et il va lui pardonner. Afwan, on laisse passer l'azan, inshallah. Allah akbar, Allah akbar. On a posé la question à certains de ulama, ils disent que là, bah, celui qui entend l'adhan, mathalan, hatta même si jamais c'est pas l'heure de prier pour vous, qu'il est bien pour lui de répéter par rapport au hadith idaham, si jamais il entend le mot adhin, qui répète, il y en a ce qu'on est en train de dire. Non. Enfin, on disait que al-maghfira, donc c'est beaucoup plus large que le sens qui a été dit de pardon. Tam Allah Azza wa Jal ne te dévoile pas. Parmi un des sens, comme l'a évoqué, at-tabari rahimahullah ta'ala, le fait qu'Allah ne te dévoile pas. Et le deuxième sens, qala afuhu anil uqub alayhi. Et le fait qu'il ne le châtie pas. Fal maghfira, c'est la protection contre le fait d'être dévoilé et la protection contre le fait d'être châtié. Hada huwa al-maghfira. Et Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il évoque que le fait qu'Allah azza wa jal te protège de son châtiment, c'est à deux catégories. Donc le premier, le fait qu'il ne te châtie pas, et le deuxième, le fait qu'il te khafaf alayk. Au lieu que ce soit un gros châtiment, eh ben il va t'alléger ce châtiment-là. Il dit ça, kazalika, ça rentre dans le maghfira. Comme l'a évoqué, rahimahullah, dans Majma' al-Fatawa, le volume 18, la page 192. Le volume 18, la page 192. On va laisser, inshallah. Parce que si jamais on rentre dans la deuxième ayah, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il dit Allah Azza wa Jalla, ala. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني. Donc inshallah on se contente de cela. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.